Josué chapitre 6. Or Jéricho se fermait, et se tenait soigneusement fermé, à cause des enfants d'Israël, il n'y avait personne qui en sortit, ni qui entra. Et l'Éternel dit à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, et ses hommes forts et vaillants. Vous tous donc, hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville, en tournant une fois autour d'elle, tu feras ainsi durant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche, mais au 7e jour vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du cor. Et quand ils sonneront en longue avec le cor de bélier, aussitôt que vous entendrez le son du cor, tout le peuple jettera un grand cri de joie, et la muraille de la ville tombera sous soi, et le peuple montera chacun vis-à-vis de soi. Josué donc, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit, portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs prennent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Il dit aussi au peuple, passez, et faites le tour de la ville, et que tous ceux qui seront armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et quand Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent, et sonnèrent des cors, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait. Et ceux qui étaient armés allaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des cors, mais l'arrière-garde suivait après l'arche, on sonnait des cors en marchant. Or Josué avait commandé au peuple, en disant, vous ne jetterez point de cris de joie, et vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira point un seul mot de votre bouche, jusqu'au jour que je vous dirai, jetez des cris de joie, alors vous le ferez. Ainsi il fit faire le tour de la ville à l'arche de l'Éternel, en tournant tout alentour une fois, puis ils revinrent au camp, et ils logèrent. Ensuite Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Et les 7 sacrificateurs, qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel marchaient, et en allant ils sonnaient des cors, et ceux qui étaient armés allaient devant eux, puis l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel, on sonnait des cors en marchant. Ainsi ils firent une fois le tour de la ville le second jour, et ils retournèrent au camp. Ils firent de même durant 6 jours. Mais quand le 7e jour fut venu, ils se levèrent dès le matin à l'aube du jour, et ils firent 7 fois le tour de la ville en la même manière, ce jour-là seulement ils firent 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des cors, Josué dit au peuple, jetez des cris de joie, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera mise en interdit à l'Éternel, elle et toutes les choses qui y sont, seulement Rahab la paillarde vivra, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché soigneusement les messagers que nous avions envoyés. Mais quoi qu'il en soit, donnez-vous garde de l'interdit, de peur que vous ne vous mettiez en interdit, en prenant de l'interdit, et que vous ne mettiez le camp d'Israël en interdit, et que vous ne le troubliez. Mais tout l'argent et l'or, et les vaisseaux d'airain et de fer, seront sanctifiés à l'Éternel, ils entreront au trésor de l'Éternel. Le peuple donc jeta des cris de joie, et on sonna des cors. Et quand le peuple ouït le son des cors, et eut jeté un grand cri de joie, la muraille tomba sous soi, et le peuple monta dans la ville, chacun vis-à-vis de soi, et ils la prirent. Et ils mirent entièrement à la façon de l'interdit, et passèrent au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, même jusqu'au bœuf, au menu bétail, et à l'âne. Mais Josué dit aux 2 hommes qui avaient reconnu le pays, entrez dans la maison de cette femme paillarde, et la faites sortir de là, avec tout ce qui lui appartient, selon que vous lui avez juré. Les jeunes hommes donc qui avaient reconnu le pays, entrèrent, et firent sortir Rahab, et son père, et sa mère, et ses frères, avec tout ce qui lui appartenait, et ils firent sortir aussi toutes les familles qui lui appartenaient, et les mirent hors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent par feu la ville et tout ce qui était, seulement ils mirent l'argent et l'or et les vaisseaux d'airain et de fer au trésor de la maison de l'Éternel. Ainsi Josué sauva la vie à Rahab la paillarde, et à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour reconnaître Jéricho. Et, en ce temps-là Josué jura, disant, Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se mettra à rebâtir cette ville de Jéricho, il la fondera sur son premier-né, et il posera ses portes sur son piné. Et l'Éternel fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays.